Il y avait un jour dans la vitrine une paire de godasses achetées, vendues. Fier que j'étais devant la glace avec mes godasses achetées, vendues. J'étais partout, marcher ou courir, mes pauvres godasses, achetées, vendues. Un soir trop sous, de mes clouches, super tes godasses, volées, perdues. Bing bang boom, contre-choc. Bing bang boom, contre-choc. Petite planète, tu te reposes. Jolie comète, tout explose. Bing bang boom, contre-choc. Bing bang boom, contre-choc. Il y a longtemps, t'es arrivé, et maintenant, t'as explosé. Bing bang boom, contre-choc. Bing bang boom, contre-choc.